un peu chargé, comme c'est mouvement social, il y a plein d'actualités. Et donc, on va démarrer tout de suite ce programme de Cœur Noir Tripalium sur Radio Tio avec un retour sur les actions du mois dernier. Donc, du coup, on va commencer cette soirée avec l'occupation de la fac. Bon, du coup, il y a eu une petite pause alors, dans l'occupation de la fac de Tréfilerie, puisque bah, y a eu les vacances et on a décidé de s'arrêter. Avant les vacances, quand même, il faut souligner que y a eu une énorme polémique à la fac, puisque bon, bah, vu que l'Uni se sont installés récemment dans un des bâtiments, le bâtiment de droit, eh bien, ils ont balancé des choses sur nous qui n'étaient pas vraies. Hein, c'est la technique de l'extrême droite. Rappel de ce qu'est l'Uni. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. L'Uni, ouais, je le dis comme ça, normal, mais c'est vrai que nos auditeurs et auditrices sont pas au courant, courantes. Mais l'Uni, c'est une organisation, en fait, qui unit, qui a pour but d'unifier toutes les droites. et voilà, donc en fait, on y retrouve dedans des bons partisans de chez les Républicains, etc. Enfin bon, voilà, c'est un grand projet. Et du coup, bah forcément, ils étaient opposés à ce qui se passait dans la fac, puisqu'il y avait pas mal d'organisations en fait, d'extrême gauche, très clairement. Et du coup, bon, bah, pour nous discréditer, ils ont dit que, par exemple, on allumait de la lumière grâce à des bougies, qu'on mettait des déchets par terre. Puis pareil, l'extrême droite, elle se victimise. Du coup, ils ont dit à un moment, pareil, qu'on avait frappé l'un des leurs. Ça, c'est une technique qu'ils utilisent couramment. Et ils avaient fait un long tract dessus. Et du coup, après, Valeurs Actuelles avait même relié le truc. Ce qui nous a poussé, nous aussi, à faire un tract, à le diffuser aux étudiants. Bien évidemment, nous, sur le campus, les militants-militantes, on sait que leur stratégie, elle est complètement pétée. Et en fait, que c'est une réaction au fait que nous, sur le campus, bah, on est bien plus important qu'eux et qu'on est bien plus déterminés et que le mouvement social, en ce moment, il va de notre côté. Bon, après ça, il y a eu les vacances et ensuite, après les vacances, on s'est retrouvés pendant une AG. Ça faisait super plaisir parce que bon, suite aux mobilisations qu'il y a eu, aux manifs, etc., les étudiants et étudiantes eh ben, se sont pas du tout démobilisés, bien au contraire. À l'AG de rentrée qui a eu lieu il y a une semaine environ, on était une cinquantaine, donc une vingtaine de plus que ce qu'on était au début, voire plus. Et ça faisait super plaisir. Et du coup, ce qui était chouette, c'est qu'il y a eu une assez bonne répartition des tâches. Il y a eu des groupes qui se sont créés, des groupes de confession de tractage, des groupes de tractage sur l'université, des groupes de banderoles, etc. Et c'était assez sympathique. Il y a eu pas mal d'animations. Il y a aussi les brigades de solidarité qui vont intervenir aussi. Et puis voilà, les étudiants et étudiantes sont de plus en plus déterminés, ça fait super plaisir. À la CNT, on en a aussi des retours sur le fait que bah, de plus en plus de monde, et notamment des anciens, sont très contents de voir des jeunes qui se mobilisent, et notamment sur Tréfilerie. Et voilà, ça fait chaud au cœur, et on espère que ça va continuer encore et encore, et qu'on tapera encore plus fort, et que ça dégoûtera encore plus l'Uni et l'extrême droite. Voilà. À la fac, c'est demain que les brigades viennent faire une cantine à l'extérieur du Crous. Et du coup, voilà, pour toutes ceux qui en ont besoin. Yes. À prix libre, du coup, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Stylé, ça. Demain midi. Okay. Bon, eh ben, après ce retour assez complet ouais, sur la fac, je ne sais pas on a des trucs à ajouter sur la fac, je ne pense pas. Ouais. Spécialement. En tout cas, c'est cool, faut pas hésiter, même quand on n'est pas étudiant-étudiante, à passer, faire un coucou, ravitailler les camarades. Ouais, ça donne de la force. Participer, ouais, de ouf. Puis participer quand il y a des événements qui se font, il y a des confs et tout. Même quand on n'est pas étudiant-étudiante, qu'on est lycéen, lycéenne ou travailleur-travailleuse, il faut pas hésiter à y aller. Quoi. Alors, juste chose à souligner quand même, il y a quand même des gens qui sont pas des étudiants-étudiantes et qui se sont fait gauler par la police récemment à la fac. Parce qu'ils buvaient tranquillement une bière. Voilà, donc, et puis il y a tout un processus où aussi la fac en ce moment est en train de faire du flicage et que ça craint vraiment. Et nous, on essaye aussi de lutter contre ça face à la direction aussi qui essaye bah, de faire en sorte que la fac soit une propriété privée juste pour les étudiants et étudiantes et en fait surtout pour la direction en fait, qui bah, veut faire ce qu'elle veut des étudiants et des étudiantes. Et en fait permettre de nous couper aussi du lien social des autres travailleurs et travailleuses. Donc à faire attention quand même. Voilà, mais c'est tout pour ce point-là, du coup, je pense. Tac. On enchaîne sur quoi, du coup, là ? Et alors, on va enchaîner sur le village syndical qui s'est déroulé le 25 février. Voilà, excusez-moi, j'ai bégayé parce que je cherchais la date en même temps. Je ne me souvenais plus. Il se passe tellement de trucs, là, avec la réforme des retraites, qu'on est tout perdu au niveau du calendrier. On passe trois journées dans une, donc c'est un peu la galère pour s'en venir des dates. Mais du coup, le 25 février, il y a eu un village syndical qui s'est déroulé à Saint-Étienne, place de l'Hôtel de Ville. Donc, un village syndical, c'est quoi ? Eh ben, c'était tout simplement, on a initié avec la CNT, on avait vraiment envie d'occuper l'espace public en dehors des jours de manif, pour pouvoir rencontrer les gens un peu différemment, sur des ambiances plus posées, plus calmes, pour pouvoir avoir le temps d'échanger, de donner des brochures, de diffuser du contenu, etc. Informer un maximum, le plus largement. Et peut-être aussi toucher un public qui ne peut pas forcément venir en manif ou poser des jours de grève. Et du coup, on a poussé à l'intersyndicale pour essayer d'organiser ça. Et ça s'est fait. Ça s'est fait avec plusieurs syndicats qui étaient quasiment la totalité de l'intersyndicale qui était signataire de l'appel. Et en présence, du coup, il y avait un stand de la CNT sous un joli barnum tout neuf qu'on vient de se procurer, vous le verrez sur d'autres événements, je pense. Et il y avait un stand de la CNT, il y avait un stand des camarades de Solidaires, un stand de l'union locale de la CGT, et c'était vraiment cool. On est resté toute l'après-midi place de l'Hôtel de Ville, c'était un samedi après-midi, donc il y avait pas mal de passages, il y a pas mal de gens qui sont venus, pas seulement des gens qui étaient au courant, il y a des camarades qu'on voit un peu souvent qui étaient au courant, donc ils sont venus, on a échangé, mais il y avait aussi des gens qui étaient beaucoup moins politisés, qui sont passés, et qui étaient vraiment, vraiment très intéressés et qui étaient en demande d'échanger sur le sujet de la réforme des retraites, ou ne serait-ce que sur des sujets de précarité qui les touchent, parce qu'en plus on est à Saint-Étienne, et Saint-Étienne, c'est l'ensemble de la population qui est très précaire. Donc voilà, c'était quand même un moment assez riche, et moi j'ai vraiment aimé pouvoir me poser et discuter longuement avec les gens. C'était vraiment différent qu'en manif où on court à droite à gauche, où on est un peu dans une euphorie de cortège et tout. Donc c'est vraiment cool, et je pense que c'est des moments nécessaires qu'on va essayer de réitérer. Je sais pas, pour celles et ceux qui y étaient. Ouais, moi je suis bien d'accord, et surtout sur ces moments de... En fait, c'est des moments vraiment, comme tu dis, en fait, on peut discuter tranquillement, quoi. Et autour de nous, je veux dire, il y a de la lecture aussi, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en causer, sur nos idées aussi, plus profondément, ce qu'on défend, etc. Et ouais, c'était vachement chouette. Ouais, moi, je reviens aussi sur ce que ça s'éparpille un peu moins, ça fait plus une sorte de cadre d'échange sympa. De ouf. Et puis c'était marrant, il y avait vraiment une itinérance entre syndiqués de stand. T'avais les gens de la CGT qui allaient au stand de Solidaires, puis au stand de la CNT, puis vice versa. Et du coup, c'était cool, on s'échangeait notre acte. Tiens, je te prends un tract, mais si tu prends le mien, etc. en vrai, c'était assez sympa. Et en plus, ça permettait de retrouver un peu les camarades des autres structures syndicales de lutte avec qui on apprécie faire des trucs. Et puis ça permettait aussi de rassembler plein d'autonomes qui orbitent un peu autour de la CNT, plus ou moins proches, mais avec qui là on a pu se poser, etc. Il y a eu un petit atelier banderole aussi en prévision de la manif du 8, dont on parlera. Et voilà, c'était sympa aussi. Tout le monde s'y mettait et tout, c'est trop cool. Et le 25, ce week-end du 25 février, il se passait autre chose. Oui, du coup, en même temps que le village intersyndical, s'était organisé un congrès à Nantes du groupe Femmes Libres, Mujeres Libres. Et le but, c'était de s'organiser autour de questions antipatriarcales. Voilà, c'était plutôt sympa. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter, enfin, si les personnes qui étaient là. Du coup, pour rappel, les groupes Femmes Libres, Mujeres Libres, c'est des groupes qui existent depuis assez peu de temps, au final, quelques années maintenant, mais c'est peu à l'échelle de la CNT, qui s'organisent sans hommes cis, pour pouvoir avancer plus efficacement. Ouais, c'était trop cool. On a pu bien discuter, en vrai, avoir des vraies discussions de fond sur politiquement, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a envie de défendre en tant que groupe. Et c'était, ça a permis des discussions vraiment constructives, intéressantes, et on en est ressorti très motivé et énergisé pour continuer la lutte et rien lâcher, ni face au capitalisme, ni face au patriarcat, parce que de toute façon, c'est la même chose. Ouais, c'était un chouette moment, si je peux compléter. Et on était plusieurs groupes de différents syndicats de la CNT à se retrouver. Et on remercie bien les camarades de Nantes pour leur accueil. Et ouais, c'était des discussions riches, effectivement, et constructives pour formaliser comment peuvent se passer et quels sont les points communs et comment on s'organise. Et voilà, ça fait du lien. C'est chouette de rencontrer les camarades d'ailleurs et de s'organiser, faire du réseau. Et voilà, du coup, la construction de ces groupes continue et le réseau se met en place. Et du coup, avant de passer à la suite des retours de ce mois bien chargé, on va faire une petite pause musicale et c'est Sexy Sushi, Je refuse de travailler. On a un petit souci de périphérique qui ne veut pas se lancer, du coup on peut enchaîner avec la suite du programme et j'essaie de résoudre en régie le problème de branchement. Alors, pour la suite, eh ben, on va parler de GRDF, enfin des syndicats du travail avec du gaz. Ouais, alors du coup... Il y a des camarades de travailleurs et travailleuses du gaz qui sont en grève parce qu'ils sont très déter. Vous vous souvenez sûrement qu'on avait parlé de leur lutte à l'automne, au début de l'hiver, quand ils occupaient le site à GRDF à côté de Geoffroy Guichard pour réclamer notamment des augmentations de salaire. Au final, leur grève a été victorieuse et ils ont réussi à avoir les augmentations de salaire. Et nos camarades, cœur sur eux, ont repris la lutte et mardi 28, il y avait un appel qui était fait à tous les salariés du gaz de la région Auvergne-Rhône-Alpes à converger à Saint-Chamond pour faire une action couper toute la télédirection d'un site d'acheminement de gaz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Charabia ? Concrètement, ça veut dire qu'actuellement, les conduites de gaz sont gérées et contrôlées à distance par des cadres dans des bureaux à Lyon, à Paris, je ne sais pas où, dans des villes de Bourges, et en fait l'idée c'est de couper toutes les télédirections pour que le contrôle de la conduite ne puisse plus être assuré à distance, ne puisse non plus être contrôlé à distance, mais tout en local. Et en fait cette action elle fait écho à une action similaire qui avait été faite par des grévistes de la RTE, donc des entreprises de distribution électrique, il y a quelques mois, et qui ont été mis en procès pour ça, qui vont passer au tribunal et qui risquent jusqu'à de la prison ferme pour leur action. 4 militantes du coup, et c'était une action en solidarité à eux, et aussi une démonstration de force. Les grévistes, suite à cette action, ont décidé d'occuper le site. Au final, l'occupation aujourd'hui n'est plus effective, parce que c'est un moment et qu'il faisait froid, et que voilà. Mais du coup, c'était une super action, et les camarades sont pour beaucoup toujours en grève. Franchement, si vous nous écoutez, force à vous, et on lâche rien. Super, merci pour ce point. On va essayer de coup de relancer la musique qui devrait maintenant marcher. Thank you. Et c'est toujours Cœur Noir Tripalium sur les ondes de Radio Dio 89.5. Cœur Noir Tripalium, l'émission de la CNT tous les premiers dimanches du mois. Et on poursuit le programme ce soir avec l'intersyndicale, je crois, sur le programme. Alors, moi j'entends pas très bien ce qui est dans le studio, mais j'imagine que c'est le moment de faire le retour sur le grand meeting syndical qui s'est passé à Saint-Étienne. Pour tout expliquer, le 2 mars, donc c'était là tout récent, il s'est déroulé un gros meeting, une réunion publique, c'était plutôt appelé réunion publique, mais en vrai c'était un meeting, à la Ricamari, avec à peu près 800 personnes. Et c'était un meeting intersyndical. Donc à la base, l'initiative c'était de faire une réunion publique intersyndicale avec toutes les unions départementales de la Loire. Mais il y a un camarade moustachu qui a appelé de Paris, qui a dit « Ah, mais attendez, moi je vais venir. » Je parle de Philippe Martinez. Donc, du coup, bon, c'est plutôt cool. Il y a eu le mouvement à Paris de dire oh, « bah, c'est cool l'initiative du 42, let's go, on y va, on va parler, on va participer à l'événement de l'intersyndicale du 42. » Mais derrière, vu que Philippe Martinez se déplaçait à Saint-Étienne, tout de suite, tous les autres représentants et représentantes syndicales des autres structures sont venus aussi. Donc on a eu le droit à la venue de Philippe Martinez, mais du coup pour la CGT, mais aussi le secrétaire général de Solidaires, de la FO, de l'UNSA, de la CFTC, de la CFCGC... et de la CFDT. De la CFDT, c'était la numéro 2, c'était pas Laurent Berger, c'était la numéro 2, à qui j'ai le nom m'échappe complètement. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Mais bon, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, de base, c'était une initiative locale de l'intersyndicale, où justement, il y avait la réelle intention d'échanger avec n'importe qui dans la salle. Mais là, vu que ça a pris en fait très très vite une tournure nationale, il faut savoir que nous, au national, sur des principes autogestionnaires et d'horizontalité, un maximum d'horizontalité, on n'a pas de représentants nationaux qui prennent des décisions et qui aient un droit un rôle de porte-parole de la CNT. Parce qu'on fonctionne, bien sûr, on a un statu quo sur des revendications de anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires qu'on peut défendre de manière commune. Mais on n'a pas de représentant qui se fait le porte-voix de son libre chef à la CNT. Du coup, forcément, c'est un peu compliqué pour ce genre d'événement. Et en plus, du coup, actuellement, la CNT, justement, parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement que les autres orgas, on ne fait pas partie de l'intersyndicale au niveau national. Par contre, sur les réalités locales, on fait partie des intersyndicales. Concrètement, dans le 42, on essaie de participer à fond aux intersyndicales, d'initier des choses, on l'a dit tout à l'heure, comme le village syndical, mais ça va être aussi sur des actions diverses où on va s'investir avec la totalité des OS locales. Sauf que là, du coup, ce sorte de désemparement des unions départementales au profit des grosses structures nationales, de cette réunion publique qui avait lieu à l'Arcamari, ça nous a un peu invisibilisé du truc. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à avoir une prise de parole des unions départementales de 15 minutes au début de la soirée, mais 15 minutes à 9 organisations. Ce qui fait que le temps de parole de la CNT sur une soirée d'environ 2h30 s'arrêtait à peu près 30 secondes. C'était un peu dommage. C'était même vraiment dommage et ça a mis certains camarades un peu en colère vis-à-vis des camarades des autres OS au niveau local. Parce qu'en fait, on est bien conscient qu'au niveau, justement, c'est le mode, de le déroulement de cette réunion ne permettait pas qu'on mette à côté des représentants nationaux des autres OS sur le même, on va dire, sur le même, de la même manière, quelqu'un qui va parler de nos revendications au niveau de la CNT 42, ça c'était pas crédible. En revanche, il nous a semblé vraiment pas cool qu'on nous laisse pas d'autre temps, parce qu'en plus ça a été demandé à l'intersyndicale, qu'on nous laisse pas d'autre temps pour avancer aussi un peu nos revendications anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, sur un troisième temps face au public. Donc qui nous a pas empêché d'être visible sur l'extérieur et d'avoir un super barnum avec la même installation qu'il y avait eu au village syndical, des bouquins, de la doc et d'être visible à l'extérieur au moins et de pouvoir avoir discuté en direct avec des gens du coup. Ouais, bah oui, du coup, on s'est pas résigné à ne pas rester visible. On a pris l'initiative d'être visible, mais c'est vrai que voilà, c'est après en soi, ça n'a pas empêché quand même la camarade ici présente à faire un super discours et à être acclamée par toute la foule, avec le journaliste qui ajoute derrière, le journaliste qui était là présent pour l'intervention, qui ajoute derrière, oh, bah je n'ai rien à ajouter. C'était magnifique, voilà. Tac, de quoi on va parler maintenant? On va parler... Alors, maintenant, on va aborder le point action de ce qui s'est passé hier, du coup, le samedi 4 février, mars, pardon. Du coup, on a fait une opération péage gratuit au péage de Vauchette, avec des orgas, donc, dont la CNT et la CGT, avec des gilets jaunes et des autonomes aussi. Du coup, on a ouvert le péage d'à peu près 14h à 15h et ça s'est super bien passé. On n'a pas pu rester très longtemps à cause de problèmes de répression, mais du coup on en a aussi profité pour commencer un peu les dons si des gens étaient chauds pour faire des dons pour les caisses de grève, et ça s'est plutôt bien passé. Et franchement, non, tout était trop, trop cool, l'organisation, et tout était cool. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Ça faisait trop plaisir, c'était trop beau. Franchement, il y avait une super bonne ambiance. Il y avait des voitures qui arrivaient, qui étaient trop bien, des motos qui tapaient une roue pour nous donner d'encouragement. Non, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé que l'euphorie générale était géniale. Mmh. Et puis, tous les gilets mélangés. Il y avait des gilets rouges, des gilets un peu roses, des gilets jaunes. Enfin, c'était très cool. Pas de gilets aussi. Il y avait des pas de gilets. Mais, je veux dire, c'était hyper... Ouais. C'était du concret. Mmh. En intersyndical et même juste avec plein de gens qui avaient envie. Ça se ressentait vraiment, cette envie. Et du coup, ça faisait plaisir, quoi. Et c'était pas mal lancé dans le cadre du mouvement contre les retraites, ouais, mais aussi contre la réforme du chômage en particulier, non ? Il y a l'idée de faire pas mal d'actions pour visibiliser cette réforme, il me semble. Ouais, du coup, ça a fait un peu suite aussi à une occupation de Pôle emploi qui avait lieu à la fin d'une manif intersyndicale. Alors, je sais plus laquelle. Non, c'était le 11 ? Non. Je sais plus. Ah, c'est dur, les dates. Il y a des manifs tout le temps, mais c'était une des manifs, elle était trop bien. Et à la fin, il y avait une occupation du Pôle emploi, qui n'avait pas duré super longtemps, parce que très vite, il y a des gens avec des boucliers et des armes qui sont venus nous dire « Eh, vous sortez !» Et avant ça, il y avait une autre occupation d'un Pôle emploi encore, celui de Château-Creux, qui, pour le coup, avait duré un peu plus longtemps et avait pas eu besoin de la police pour qu'on parte. Et en fait, c'est... Il y a un collectif de précaires en lutte qui mobilise pas mal de gens de la CGT, CTPEP, donc collectif des travailleurs précaires et privés d'emploi, des gens de la CNT, des autonomes, autour des problématiques liées à la réforme du chômage. Et on essaie de mettre ça en lien avec la réforme des retraites et de montrer qu'en fait, c'est super lié, parce que les personnes qui vont pas pouvoir partir en retraite ne vont pas forcément pouvoir travailler non plus, et beaucoup vont se retrouver au chômage, et les deux problématiques se croisent dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de cas. Et par ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a aussi un collectif qui s'est monté il y a peu sur toutes ces questions RSA, chômage, qui s'appelle Gaston Lacaf, et il y a une réunion une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois à 15h à l'Amicale Laïque du Crédroc à La Cale. Et du coup, il y a aussi un mail de contact, et l'idée, voilà, c'est de faire de l'autodéfense, de l'autoformation, de se former sur ces questions pour face à la CAF et Pôle emploi, pour toutes les questions d'allocation, être mieux informé et savoir défendre nos droits. Et du coup, ce collectif, on peut le joindre sur le mail Gaston, Gaston, lacaf, LACAF, @riseup.net. C'était le petit point info. Et avant une nouvelle pause musicale, on va pouvoir terminer les retours du mois par un petit point sur le groupe jeune, peut-être. Avec le groupe jeune, vu qu'on est en plein mouvement social, on est en train de préparer plein d'actions trop cool. Et on a une envie de faire énormément de formations, enfin pas énormément de formations, mais des formations pour mieux se grouper et partager nos idées. Et voilà. Ouais. Et du coup... bientôt, il y a une formation de prévue sur une lecture collective. Et on a fait une formation aussi sur le fonctionnement de la CNT. Et voilà. Fonctionnement confédéral qui n'est pas hyper facile avec tous les, tous les acronymes, les mandats, les différents bureaux, etc. Enfin, c'était cool, franchement, c'était cool. Et puis pareil sur les formations à venir, il y a eu plein d'idées, plein de propositions. Il y a eu des propositions de formation sur le dépassement collectif, sur faire des visuels, sur... Les réflexes à avoir aussi en manif, peut-être vis-à-vis des actions qui pourraient se passer ou de la REP tout simplement. La sécurité et la confidentialité en manif, qui est super important aussi. Voilà, on est jeune et dynamique et très très énervé. Et on est nombreuses là, en ce moment, c'est plutôt assez cool. En bande organisée. Et bien sur cette petite référence musicale, on va pouvoir passer un morceau qui s'appelle Grève illimitée de Dominique Grange. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets, grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines, ce n'est qu'un début. Immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère, monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel, l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là. Ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Alors, vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5, l'émission de la CNT Cœur Nord Tripalium. Et du coup, ben, on va enchaîner avec les prochaines manifs. Donc, il y a la manif du 7, qui est le prochain gros appel. Du coup, toujours contre la réforme des retraites. Et du coup, c'est à Saint-Etienne, c'est rendez-vous à 10h30 au rond-point de Courforiel vers l'entrée du Parc de l'Europe. Et il y a un énorme cortège rouge et noir qui se prépare, ouais, qu'on organise. Et du coup, c'est un appel aussi à, dans ce cortège, se rejoindre autour d'un tracteur qu'on va ramener. Et, tracteur tout pimpé, voilà. Rouge et noir, le plus, CNT. Le plus beau char rouge et noir de toute la France. Et du coup, il y a aussi un appel à venir masquer. Donc voilà, ramenez vos meilleurs foulards et venez masquer. Des belles lunettes de soleil. Exactement. Avec des grandes formes et tout. Et des bonnets et des capuches. Ah, et puis surtout venir avec son énergie, sa voix, c'est... C'est ça. Et donc c'est aussi un appel à la grève reconductible. Donc il y a la manif du 7, mais il faudrait aussi que ça continue les jours suivants, donc le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, etc. Enfin bref. Et du coup, on attend les... on verra comment se passe la suite. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont se passer dans les jours juste après, donc le 8 surtout. Voilà. Bah, du coup, le 8, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, il y a deux manifs qui sont prévues à Saint-Étienne. Il y en a une qui est la manif intersyndicale qui partira à 17h de la Bourse du Travail, qui est une manif en mixité, du coup tout le monde peut venir. Et ensuite, il y a une manif le soir à 19h30 qui part de la petite place qui est à côté de Centre 2, qui sera pour le coup sans hommes 6. Et ce sera la nuit, donc ce sera festif, il y aura des petits flambeaux, il y aura des petits slogans, il y aura des gens avec des roulettes, des gens sans roulettes. Ça va être trop cool et bien énervé. Et du coup, c'est l'occasion de continuer la mobilisation. Et je crois que le lendemain, le 9, il y a encore des manifs. Ouais, je crois que c'est par rapport aux profs. Il y a un rassemblement à la... Putain, comment c'est ? J'ai l'inspection académique. L'inspection académique, ouais. À Centre 2. Et je crois que c'est un rassemblement, normalement, pour les profs, tout ça. Par contre, je ne sais absolument pas l'heure. C'est à 11h, le 9, le rassemblement. Et juste pour revenir sur les manifs du 7 et du 8, il y a un appel à faire un cortège Garagnas en parallèle du cortège rouge et noir avec les enfants et les accompagnants, accompagnantes qui auraient envie de se regrouper aussi. N'hésitez pas à rejoindre le point de ralliement autour du tracteur rouge et noir. Et le 8, il y a l'idée de faire un espace enfant en parallèle pour que les meufs qui sont en charge de plus jeunes puissent être là en manif et pas avoir à se charger de cette responsabilité-là. Et du coup, il y aura des activités, un espace d'animation qui est prévu au rez-de-chaussée de la Bourse du Travail, donc dès 17h, même un peu avant 17h, c'est possible ouais, de venir. À partir de 16h. À partir de 16h, ça sera installé. Du coup, c'est la salle Sacco et Vanzetti, c'est au rez-de-chaussée de la Bourse du Travail. Et c'est possible de venir avec des plus jeunes et ils peuvent rester là le temps des deux manifs. Et donc, voilà, ça sera grosse manif le 7, deux manifs le 8, un rassemblement le 9, et on espère qu'il y aura plein de choses qui vont enchaîner. Et pour pouvoir permettre à tout le monde de faire grève, on voulait annoncer une mise en place de caisses de grève. Est-ce qu'il y a une présentation qui est prévue ? Avant, je vais juste rajouter que le 9, il y aura aussi une manif le soir à Montbrison, à 18h, départ devant la sous-préfecture. C'est vrai, dans la Loire, il y a plein de manifs. C'est important de le souligner, les manifs à Montbrison, c'est pas tout le temps. Bah ouais, c'est pour ça, il faut leur donner de la force un peu. Ouais, il y a une grosse manif de relance du mouvement le 7, deux manifs le 8, deux manifs le 9. On peut passer ces journées dans la rue et se réchauffer en battant le pavé. Et puis de toute façon, si après on en veut encore, il y aura toujours les piquets. Si vous voulez continuer à être dans la rue à gueuler, il faudra soutenir tous les camarades qui sont en reconduction dans leur entreprise. Sans modération, voilà. Et du coup, il y a l'annonce d'une création de caisse de grève. On a déjà eu le péage gratuit. Il y a eu un petit resto vegan en soutien à la caisse de grève. Et c'est en train de se formaliser. Mais c'est possible ce sera bientôt possible de solliciter pour du soutien, pour poser des jours de grève et pour que ce soit pas l'aspect financier soit pas un frein pour pouvoir se dire que voilà, on participe au mouvement, même si on est plus précaire parfois. Eh ben, avant de terminer cette émission, on a une nouvelle pause musicale et c'est Revueltita de IRA. Que mis zaparrotas decidí salir del barrio, dueña de mis derrotas. Violenta belleza la que corre por mis venas. Las tardes en la plaza ya nos pasaron factura. Quebraderos de cabeza y con los ojos como faros. Noches en vela como techo, nada raro. La muerte nos iguala, me da igual de donde venga. Mientras tu primo juega a ser leyenda. Y que pillo el coche y tiro pa' mi gueto. Revoltita como marejana. No me olvido, sé de dónde vengo. Mala clase dialéctica en los días de tristeza. Las penas a la espalda y con purrela en los bolsillos. Un pavo en pite, la sonrisa en los colmillos. Tira pa'lante y aprieta esos gatillos. Que aquí dentro no golpean sus nudillos. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar, la ponte en medio, más. Prefería la oscuridad porque nunca deja sombra. Porque en ella no se aprecia ni lo bueno ni lo bello. Aquello que no pueda llegar a mi memoria. Dejar a sonar en calma los latidos de ese cora y prensa. Que prendan un suspiro, que llene estos pulmones y se duerma mis sentidos. Que solo la alegría riegue nuestras mejillas. Que pique la garganta como gas de policía. Y una cabeza se levanta altiva. Porque lo de diva más de cliché. Pa' los que me mentan, pa' los que me mienten. Calibre de 7 como bala bolchevique. Se activa y la reina despeje en toda la pista. No quiere ella invitados en su fiesta. Bienvenidas sean las mías y su risa. Su risa, su risa, mi orquesta. Dijo inventa algo y mira tía me presento. Vuelo y en mi pecho reina el vuelco. Querían postureo, yo soy más de rodeos. No me sacan el veneno no queriendo. Pierdo lo que quiero como pierdo los mecheros. Café y tachecha cara perro. Ojitos rojos no ladro yo te muerdo. Me ves agachadita, cojo un puse salto al cuello. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían no me fío, amigo. Larga vida el rollo bollo, cariño. Me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. No quisiera someterme y me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando. Birlando momenticos donde el cora peta fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. Veo salir el sol por la rayita de la persiana. Yo me despierto por inercia, no por ganas. Tengo sueños preciosos que contrastan con la realidad. El mismo jarro de agua gélida cada mañana. Me pongo la radio para evadirme de mis movies. Trato no acordarme de lo que no tengo y tuve. Para escuchar mentiras ya me pongo la TV. Para vivir en paz pongo muy caja en el YouTube. Soy un animal de costumbres y de inquietudes. Parezco cada madrugón de taquicardia aguda. Para cerrar mi pena que pille entre ataúdes. Que sepan que aquí estuve por desgracia o por fortuna. Vine como miré más sola que la luna. Mundo de anteojeras porque mi jeto da pena. Pero hay algo pasa que no pesa la condena. Llega las chavalas. Arrancamos de una. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar la ponte en medio del corro. Porro, sácate un cigarro pa' un porro. Deja que me curra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necesario. Si quieres bailar la ponte en medio, ma. Let's go, hein. Bon, bah voilà, vous êtes toujours sur l'émission Cœur Noir Tripalium, voilà. 89.5, c'est l'antenne. Du coup, là, on va enchaîner sur le quartier de l'AIA. Bon, en ce moment, avec des camarades d'une organisation que je ne citerai pas, et nous, on est en train, en fait, de s'organiser dans mon quartier, où, en fait, il y a pas mal de problèmes. Il y a notamment, alors en fait, moi ça fait depuis 4 mois par exemple que j'ai pas d'eau potable. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chauffage. Il y a aussi plein de familles, et ça se compte par dizaines de foyers qui ont de l'humidité. Les ascenseurs aussi se bloquent couramment. Et du coup, le truc c'est que, en fait, pour, face à ça, nous en fait, on va commencer à essayer de recréer de la vie, du lien social dans le quartier. Puisque la mairie, elle s'en fout, c'est une mairie de droite et qui est très bureaucratique en fait dans ses actions, où elle essaye de contrôler toute la vie des habitants. Et du coup, bon bah nous, voilà, on va essayer d'organiser des foods, de parler aux habitants régulièrement, ce qu'on fait déjà en fait. On le fait tous les dimanches après-midi. Et bon voilà, en vrai, on est sur une bonne lancée. Cet après-midi, on a fait un petit foot, c'était bien sympa, on s'est bien dépensé et on pue bien la transpi. Surtout avec des habitantes d'ailleurs cet après-midi. C'était cool. On a fait deux petites équipes, une équipe qui est plus restée avec les enfants, les jeunes ados, et une équipe qui est plus allée dans les bâtiments, qui a échangé avec les gens sur les problèmes, etc. Ouais, carrément. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à te répondre, mais oui, c'était bien sympa. Alors après, voilà, ça reste le début. On n'a pas encore beaucoup d'habitants et d'habitantes qui viennent nous voir, mais ça va se développer. Il y a des gens qui sont vraiment en colère de voir que les élus, ils foutent rien, que la mairie ne répond pas et que même, en fait, ils nous méprisent en disant en fait, que c'est de notre faute si les ascenseurs sont cassés, si on a de l'humidité, ils remettent la faute sur nous. Donc moi je pense que ça va être très réactif et que la mairie de Firminy avec le maire Louya a vraiment des soucis à se faire dans les prochains mois qui vont suivre. Voilà. Et du mais coup, s'il y a des habitantes et habitants de Firminy qui nous écoutent, là, ils peuvent se mettre en lien. C'est peut-être des personnes qui vivent à Laya ou des personnes qui connaissent du monde, c'est possible de se mettre en lien. Eh ben, pour toutes les habitants et habitantes de Laya, on a fait du boitage, on a laissé des tracts avec un numéro de téléphone et une adresse mail. Et là, ils peuvent nous écrire, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Après, s'il y a d'autres personnes de Firminy qui auraient envie de se mobiliser, qui auraient envie de nous rencontrer, c'est aussi possible de venir du coup les dimanches après-midi sur le quartier. Et voilà, et nous, de toute façon... en fait, là, le but, c'est vraiment de, pour le moment, faire des connexions avec les habitants et habitantes, parce qu'on n'est pas tous du quartier et qu'on n'a pas la prétention de vouloir faire à leur place, mais qu'on a envie de s'organiser ensemble. Du coup, première étape, voilà, c'est faire lien. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire du lien, elles sont vraiment les bienvenues. Ouais. Et là, du coup, on a justement commencé à récupérer plusieurs contacts de personnes du quartier et sûrement que la semaine prochaine, on va renvoyer des messages à toutes ces personnes pour essayer de convoquer une petite AG, une petite réunion déjà de rencontre, d'exposition des problèmes majeurs, etc. Voilà. Et puis, on approche doucement de la fin, mine de rien. Donc, on va passer un petit agenda sur les luttes à venir. Bon, l'agenda, il commence par une date qui est pas encore déterminée. Donc, on va commencer l'agenda en vous parlant d'une conférence, débat sur le SNU, sur qu'est-ce que le SNU, pourquoi c'est de la merde. Donc, le SNU, Service National Universel, pour ça. Celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ça. C'est ça. Tu vas peut-être nous en dire un peu plus, du coup. Yes, bah du coup c'est pas organisé par la CNT directement, mais du coup nous on sera forcément plusieurs à y aller, à vouloir s'investir et tout. Donc pour le moment il y a pas de collectif formel ni rien, mais il va y avoir la CAL, donc la date va tomber normalement ces prochains jours, une discussion justement sur le SNU, sur comment faire pour lutter activement contre le SNU. Qu'est-ce qui peut être ciblé, quelle communication, quelle information sont importantes à transmettre. Et du coup, donc c'est notamment organisé, je crois, si je dis pas de conneries, par des autonomes et par des anarchistes de la FA, qui essayent de se remonter un peu à Saint-Etienne doucement et tout. C'est plutôt cool. Et voilà, donc nous, on va aller participer à ça parce que c'est bien intéressant que nous, de toute façon, notamment avec le groupe jeune, on est depuis déjà... Depuis que le projet il a été voté en 2019, on est déjà, on avait déjà en 2019 l'envie de se mobiliser contre le SNU. Le truc qui était un peu particulier, c'est qu'en fait le SNU, donc c'est en gros, franchement, faut le dire, c'est le retour du service militaire en France. C'est jusque là, ça durerait que 2 mois au lieu de 6 mois. Le SNU jusqu'à là, il était censé être rendu obligatoire avant la fin du premier quinquennat de Macron. Chose qui n'a pas été faite, notamment à cause du Covid, qui a ralenti le programme de développement du SNU, etc. Du coup, à un moment, il y avait un peu l'espoir que ce soit tombé à l'eau et que ça reste quelque chose qui soit là uniquement pour les volontaires. Et en fait, là, début de semaine, le gouvernement a retapé du poing sur la table pour dire non, c'est bon, on va le rendre obligatoire, parce qu'en plus, il profite d'un contexte de guerre en Europe qui du coup, forcément... créer une ambiance où l'armement, la militarisation devient un sujet important pour beaucoup de gens, en tout cas dans les médias. Et du coup, voilà, ils profitent de cette vibe pour pousser leur projet. Pour faire des gros cadeaux à l'armée. Voilà, pour faire des gros cadeaux à l'armée, pour pousser les gens, les jeunes notamment, à se militariser. Et c'est 5 milliards qui est directement pris du budget de l'éducation pour l'armée, quoi. Ouais. Et à côté, du coup, les écoles et l'éducation, tout simplement, crèvent et toujours pour l'armée, toujours plus. Ouais, c'est énorme. C'est 5 milliards et qui n'ont pas du tout été, qui ont été rajoutés au budget militaire. Et du coup, à côté, bah, c'est des profs qui ne sont pas embauchés, des c'est classes ça. Qui ferment, des lycées qui ne sont pas isolés. Des... Voilà. Donc bon, nous, ce n'est pas trop notre vibe, ce n'est pas trop notre... comment dire ? Voilà, on préférerait que ces sous soient remis dans l'éducation, qu'ils soient mis intelligemment et pas dans la militarisation. On préférerait qu'il n'y ait plus de budget qui soit alloué à l'armée, on préférerait qu'il n'y ait plus d'armée. Bon, on n'en est pas encore là, donc déjà, on va essayer de se mobiliser, faire de l'information, éventuellement, voilà, essayer de cibler où l'information et où les actions seront les plus pertinentes pour aller essayer de ralentir cette avancée du SNU, notamment bah, sur Saint-Etienne et dans la région de la Loire. Et voilà, donc on vous invite à être à regarder ce qui va se passer ces prochains jours, les dates qui vont tomber sur cette réunion conférence qui sera communiquée sur numéro 0. Et voilà, et puis j'ai envie de dire la suite à venir. Ouais, on espère que le mouvement contre le SNU va prendre en même temps que tous les autres et qu'il y aura une convergence de toutes ces luttes contre ces réformes qui sont vraiment nazes et qui sont bien déprimantes, mais en même temps, il y a une mobilisation, on va pouvoir en profiter. Et dans la suite de l'agenda, il y a une date qui, pour le coup, est déterminée, c'est celle du Petit Resto Vegan, tous les deuxièmes samedis du mois. Et donc, samedi prochain, le 11 mars, le Petit Resto Vegan sera en soutien au groupe CNT Femmes Libres. Du coup, vous pouvez venir à partir de midi, midi et demi. Il y aura un gratin de pommes de terre faufinois et des desserts vegan voilà, en soutien au groupe CNT Femmes Libres. Mais voilà, c'est un petit resto vegan qui est régulier tous les mois. Et faut pas hésiter à venir filer un coup de main à la préparation cuisine le matin. Ou voilà, pour venir manger, bienvenue. Et pour terminer l'agenda, du coup, on a une dernière date à communiquer. Sur la soirée à Ganor ? Ouais. Eh ben, le 25, on convie tous les Stéphanois et Stéphanoises qui ont envie de nous rencontrer, mais sur un moment convivial, à nous rejoindre à la Gueule Noire. On va faire une journée complète, fiesta de la CNT. En plus, du coup, ça va prendre un cadre particulier. Ça va être aussi pour agrémenter justement les caisses de solidarité, les caisses de grève dans ce mouvement contre la réforme des retraites. Donc là, ça va être une journée complète à la Gueule Noire où ça va se dérouler de la manière suivante. Justement, on avait la volonté que il y a des activités, des choses qui soient faites, qui soient autres que juste un concert le soir et qui n'est pas forcément accessible à tous. Du coup, le matin, on va faire une projection pour les enfants. Après quoi, on va faire une cantine. Après quoi, on va faire un loto anarchiste. C'est-à-dire, ça va être un petit loto, il y aura un petit tirage de numéros, les gens auront des grilles. Mais les grilles seront personnalisées et elles auront des grandes figures d'anarchisme, des différents modes d'action, des moyens de lutte, etc. Et voilà, ça va être sympa. Il y aura des petites présentations, des petites interventions au micro pendant le tirage. L'auto non compétitif, hein, d'ailleurs, il n'y aura pas particulièrement. Personne ne gagnera la voiture, malheureusement. On n'a pas le budget. et après, il y aura une cantine et le soir, un petit concert acoustique. Et voilà, ça va être sympa. Il y aura du monde. Ça va être chouette. N'hésitez pas à venir. Super, ben je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette émission du mois de mars et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le premier dimanche d'avril, Cœur Noir Tripalium. On vous rend l'antenne de Radio Dio. Salut, salut. Ciao. Salut. Allez. Un mardi dans la rue. One hand on the broken packs, one hand on the holster pack. The eyes for driving license, the eyes for ID. Eyes I know, no one more for me. From now on, it's these shoes I'm driving if you get the ID.